إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous sommes donc toujours dans la série de cours dans le hadith de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala. Et nous sommes donc au 18e hadith. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de terminer le 18e et 19e, Inch'Allah. Et pour qu'il nous reste la semaine prochaine, Inch'Allah, le 20e et 21e, c'est-à-dire le dernier hadith. Et avec cela, on aura terminé, bi'idnillah ta'ala, le livre donc, de 21 hadiths dans la croyance et le suivi de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Donc, on commence directement avec le 18e hadith. Al-hadith, al-thamin ashar, alamatun nifaq. Alamatun nifaq. An Abdillah ibn Amru. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها عليكم السلام إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر والحديث رواه البخاري في الصحيح كتاب الإيمان باب علامة المنافق ومسلم في الصحيح كتاب الإيمان باب خصال المنافق وأبو داود في السنن كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في علامة المنافق والنسائي وأحمد في المسند donc le hadith c'est qui a pour titre donc on avait dit que le fiqh nous est donné directement dans At-Tarjama, c'est-à-dire dans le titre, les signes de l'hypocrisie. Et d'après une narration d'Abdullah ibn Amr, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quatre choses, si elles se trouvent chez un individu, il est un pur hypocrite. Et on va voir, inshallah ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire. Qu'il faut comprendre ici que c'est l'hypocrisie dans les actions et pas l'hypocrisie qui fait sortir de l'islam. D'accord hein? Et on va lire là-dessus, inshallah, la parole de Cheikh Mohamed Soubeil, hafidhahullah ta'ala. Et déjà, on peut déjà dire pour ceux qui veulent plus de détails, de retourner à Fath al-Bari, Sharh al-Bukhari, ou bien à l'explication de l'imam Nawawi de Sahih Muslim. Donc je continue la traduction d'abord littérale du hadith. Quatre choses, si elles se trouvent chez un individu, il est un pur hypocrite. Et celui qui a l'une de ces caractéristiques aura une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Si on lui fait confiance sur quelque chose, il trahit. S'il raconte, hein, ou s'il narre, hein, du verbe narration, comme la narration, narrer. S'il narre, il ment. Et s'il s'engage, il fait un pacte, il trahit. Et s'il se dispute ou se querelle, il fuit la vérité et ruse pour la rejeter. D'accord ? Et le hadith, hein? On va répéter dans l'explication de toute façon, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ahmed. Donc Al-Bukhari et Muslim, donc ça a été muttafaq alayh, également dans Sunan Abu Daoud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i et dans Musnad de l'imam Ahmed. Alors qui est le rapporteur du hadith? Rawi al-hadith, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Al-Qurashi, Al-Sahmi, Abu Muhammad. وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء وكان من العلماء العباد مات سنة 68 Hijriya. Qui est le rapporteur du hadith? Le rapporteur du hadith, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Qurashi al-Sahmi. Sa kunya est Abu Muhammad. Un autre avis dit Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Il est parmi les premiers musulmans et parmi ceux qui ont beaucoup rapporté de hadith. Il fait partie des jurisconsultes parmi les Abdullah, ce qu'on avait rappelé les Abdullah, l'Abadillah. On avait cité parmi Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, d'accord, Abdullah ibn Omar. Il faisait partie des savants, des adorateurs également. Mort en l'an 68 de l'Hégire, radiallahu anhu ardah. Le vocabulaire du hadith ici, rawi al-hadith, mufradat al-hadith, al-nifaq. Qu'est-ce qu'un nifaq? مخالفة الباطن للظاهر وأصله من نافقاء اليربوع وهي إحدى جحره يكتمها ويظهر غيرها. Donc, d'où vient le mot nifaq dans la linguistique? C'est le fait que ce qui est intérieur ne correspond pas à l'extérieur. Et son origine, donc, comme on est dans la linguistique ici, c'est le terrier du yarbou'. Le terrier du yarbou'. Qu'est-ce que le yarbou'? En français, on appelle ça la gerboise. Et c'est un petit rongeur, à pattes antérieures très courtes et à pattes postérieures et à queue très longue. D'accord? Pourquoi? Quel est l'intérêt de connaître le sens linguistique ici avant de connaître le sens dans la religion? Eh bien, c'est quoi? C'est que un de ces terriers trouve qu'il cache et montre autre que lui. D'accord? Et on voit donc le sens nifaq. Pourquoi? Parce que, c'est quoi le nifaq? C'est, en tout cas, la grande hypocrisie, c'est le fait de montrer l'islam et de cacher, quoi? La mécréance, d'accord? Donc le sens linguistique nous aide à comprendre quoi le sens dans la religion, dans la législation islamique. Al-ghadru, qu'est-ce que veut dire al-ghadr? C'est le fait, comme le Cheikh Rabi'a dit ici, tarkul wafa'i bima'ahada alayh. C'est le fait de ne pas s'acquitter de ce quoi on a promis, ce à propos de quoi on a fait un pacte. Donc on ne s'en acquitte pas. C'est ça le ghadr. D'accord? Al-mukhasama. Parce que dans le hadith ici, wa idha khasama fajar. Qu'est-ce que al-mukhasama? Hiya al-munaza'a. Asluha min khasmi shay, ay janibuhu wa nahiyatuhu. Fa kullun min al-mutakhasimaini. C'est quoi le mukhasama? D'où vient le mot mukhasama en arabe? Il vient de la dispute, al-munaza'a. Et son origine vient du khusmushay. Et c'est quoi khusmushay? C'est l'extrémité, le bord d'une chose. Car chacune des deux parties, lors d'une dispute, est de ce côté et de son côté. Donc le sens linguistique nous aide à comprendre c'est quoi le mukhasama. Dans une dispute, vous voyez bien qu'il y a deux quoi? Deux parties, deux côtés. D'accord? Al-fujur huwa al-maylu 'an al-haqq wa al-ihtiyalu fi raddih. Wa asluhu min al-fajr wa huwa shaqq al-shay shaqqan wasi'a wal fujur fitanun fi ad-din. Qu'est-ce que le fujur? Le fujur, c'est dévier de la vérité et ruser pour la rejeter. Son origine vient de al-fajr et qui est la fissure, le fait de fissurer quelque chose, d'une large fissure. D'accord? Et al-fujur, ce sont donc des fitan dans la religion. Qu'est-ce que veut dire al-khiyana? Et on termine là-dessus pour le vocabulaire. Al-khiyana, fussirat huna bi annaha tasarrufu fil amanati bighayri wajhin shar'i, ka bay'iha aw jahdiha aw intiqasiha aw tahawuni fi hifdhiha. Qu'est-ce que al-khiyana? Eh bien, c'est expliqué ici par le fait de se comporter avec un dépôt d'une manière non légiférée. C'est-à-dire que tu te comportes avec ce dépôt-là, quelque chose qu'on a placé sous ta confiance, qu'on t'a confié, d'une manière qui n'est pas légiférée. C'est-à-dire comme le fait de le vendre, ou le renier, ou la dénigrer, ou d'être négligent dans sa préservation. Maintenant, on arrive quoi? Au sens général du hadith, l'explication du hadith. Al-ma'na al-ijmali. Al-nifaqu داء كبير وخطر جسيم على الإسلام والمسلمين ووصف ذميم لقوم أظهروا الإسلام كيدا وخداعا لينالوا به مصالح مادية ثم لينجوا بذلك من سيوف الإسلام. وقد لعن الله المنافقين وذمهم وتوعدهم بأليم العذاب في الدرك الأسفل من النار. وقد ذكر صفاتهم أو صفاتهم سخي بلوتو سي فودير صفاتهم جمع مؤنث سالم كوت إلي مفعول به دون يتخ منصوب بالكسرة إذا كان فوت سي صفاتهم الذميمة في صور كثيرة من القرآن الكريم في سورة البقرة والنساء وسورة التوبة وفي سورة المجادلة والحشر وسورة المنافقين كل ذلك ليعرفهم المؤمنون ويحذروا شرهم وكيدهم وخبثهم. وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أربعا من صفاتهم وعلاماتهم البارزة. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici, حفظه الله تعالى, il nous dit que le sens général du hadith c'est, et je voudrais faire un point avant de commencer le sens général du hadith, c'est quoi? C'est que ici on a utilisé le mot hypocrite. Alors faire attention, hein, qu'on ne commence pas à rendre les gens mécréants pour rien. C'est quoi ici un point important? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans le sens hypocrite ici? Alors on va prendre l'explication de Cheikh Mohammed al-Soubayil, hafidahullah ta'ala, de ce hadith. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie, elle est qui est voulue dans ce hadith. Quelle est l'hypocrisie qui est voulue dans ce hadith? L'hypocrisie est de deux types, la grande et la petite. Donc, quelle est celle qui est voulue dans ce hadith? On va voir, inshallah. Mais d'abord, on va définir la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. Al-nifaqu al-akbaru, la grande hypocrisie, c'est ce qu'on appelle al-nifaqu al-i'tiqadi. L'hypocrisie dans quoi? Dans la croyance. D'accord? Évidemment, c'est celle qui fait sortir de l'islam. La petite, al-nifaqu al-asghar, c'est un nifaq al-amali. C'est quoi? C'est l'hypocrisie de l'action. D'accord? Et c'est ce qui est voulu ici dans le hadith, comme Cheikh Soubayl va le dire ici. C'est ce qui est voulu dans ce hadith ici. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une de ces caractéristiques-là, ou quatre, les quatre caractéristiques, et même certaines narrations, il y a trois, certaines narrations quatre, certaines narrations cinq, hein, comme rapporte Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Hein, et vous voyez que même s'il regroupe toutes ces caractéristiques-là, ça n'implique pas qu'il sort de l'islam. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est ce que nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdullah al-Soubayil, qui, vous le connaissez certainement, c'est l'imam al-Khatib de al-Haram al-Mekki. Hein? Nous dit dans son explication du hadith, dans son livre, Min Hadi al-Mustafa, page 351, édition Dar al-Soumaï, que ce qui est voulu ici, c'est l'hypocrisie des actes, non pas l'hypocrisie de la croyance. Hein? Donc je répète la source. Page 351 de l'édition Dar Soumaï, le titre du livre, Min Hadi al-Mustafa, du Cheikh Mohammed ibn Abdullah al-Soubayil. Pour les frères qui ont peut-être fait la Umrah ou le Hajj, c'est un Cheikh qui prie souvent Salat al-Isha, al-Haram al-Mekki, hein, qui est très âgé. Non? Non, non, non. Toi, tu confonds avec Cheikh Soubaï, qui est beaucoup plus jeune et qui est du Koweït. D'accord? Alors maintenant, on revient à l'explication de Cheikh Rabi'a, hafidahullah ta'ala. Il nous dit, Cheikh Rabi'a, que, je pense que c'était un point quand même important, et pour ceux qui veulent plus de détails, comme j'ai dit, qu'il revienne à Fath al-Bari de Shah Sahih al-Bukhari, qui a rapporté une parole intéressante de Al-Qurtubi, et à Nawawi dans le Minhaj, fi Sharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Donc l'explication de Al-Bukhari, si vous voulez, et l'explication de Sahih Muslim. D'accord? Eh bien, Cheikh Rabi'a nous dit que l'hypocrisie est un grand mal et un grand danger pour l'islam et les musulmans. Et c'est un attribut blâmable pour des gens qui ont montré extérieurement l'islam en ruse, en tromperie, pour obtenir des biens matériels, puis pour se sauver des sabres de l'islam. Et Allah a certes maudit les hypocrites et les a blâmés et les a menacés d'un châtiment douloureux dans le plus bas degré de l'enfer. Et Allah a cité leurs caractéristiques blâmables dans beaucoup de chapitres du noble Coran, dans beaucoup de surahs, beaucoup de sourates du Coran. Par exemple, sourate al-Baqara, An-Nisa, At-Tawbah, Al-Mujadala, Al-Hashr, Al-Munafiqoun. Évidemment, cher, pour qu'on cite ces sourates-là, pour qu'on puisse revenir à ces sourates-là et lire les versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui concerne les hypocrites. Tout ceci pour que, et c'est ce que contenu d'ailleurs, c'est ce que va dire Cheikh Rabi'a ici, Tout ceci pour que les croyants les connaissent et soient sur leur garde quant à leur mal, leur tromperie et leur malice. Et le noble messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit dans ce hadith quatre parmi leurs attributs et leurs signes évidents. Alors maintenant, on va voir quoi ? Les quatre signes des... C'est ce qui est d'ailleurs comme... qui a pour titre ici, c'est « alamat an-nifaq », les signes de l'hypocrisie. Le premier, c'est quoi ? Al-oula khiyanatul amana wa bi'satul khuluqihi wa ma aqbaha an yathiqa bika insan wa yasta'manaka ala malihi aw 'irdihi aw haqq min huquqihi fatakhunuhu. إن دائرة الأمانة واسعة تشمل كل ما أؤتمن عليه الإنسان حتى لا تشمل الدين كله. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Le premier, la trahison dans le dépôt ou dans la chose qui lui a été, qui a été confiée, hein, ou qui a été confiée, yani qui a été placée sous notre confiance. Et quel mauvais comportement que cela! Quelle mauvaise chose que quelqu'un te fasse confiance, te confie son argent ou son honneur ou un droit parmi ses droits et toi tu le trahis. Tu trahis ce qui est placé en dépôt, al-amana. Et d'ailleurs, une des caractéristiques, un des noms qu'on donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même l'islam, c'était quoi? Al-amin. Parce qu'il était de confiance. Déjà avant l'islam, il était connu pour ça. Hein? Et les gens qui l'appelaient l'Amin, qu'est-ce qui s'est passé quand il a reçu la révélation qu'ils appelaient à l'islam? Hein? Certains l'ont même traité de menteur. Regardez comment les gens changent. Hein? Donc l'Amana, c'est ce qui est placé en dépôt, ce qui est confié, est une notion large qui englobe tout ce qui peut être confié à l'individu, à tel point qu'elle englobe toute la religion. Donc il ne faut pas comprendre que c'est juste l'argent qu'on pourrait te confier. Hein? Ou une chose matérielle qu'on pourrait te confier. Le cheikh va rapporter un point très intéressant ici, qui nous concerne directement. فَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالشَّرَائِعِ أَمَانَةٌ فِي أَعْنَاقِ الْعُلَمَاءِ إِذَا قَصَّرُوا فِي تَبْلِيغِهَا وَنَشْرِهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ خِيَانَةً أَوْ خِيَانَةٌ يَسْتَوْجِبُونَ بِهَا لَعَائِنَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سورة البقرة verset 159. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Tout ce avec quoi sont venus les prophètes عليهم الصلاة والسلام comme croyance et législation sont un dépôt confié aux savants. Que s'ils ne s'en acquittent pas comme il le faut, et ne le diffusent pas comme il le faut, cela sera considéré comme une trahison de leur part, qui leur vaudra les malédictions et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez pourquoi ici, pour illustrer que quoi, que le dépôt, c'est donc une notion quoi, l'amana, qui est large, qui englobe toute la religion. La traduction du sens de la parole d'Allah dans Surat al-Baqarah, verset 159, dit « Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Hein? Cheikh continue en disant فَعَلَى حَمَلَةِ الْعِلْمِ أَنْ يُبَلِّغُ مَا جَاءَ بِهِ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ الْأَمَانَاتِ وَكِتْمَانُهُ وَالتَّقَاعُسُ عَنْهُ أَعْظَمُ الْخِيَانَاتِ. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سورة الأنفال. Il incombe donc aux détenteurs de science qu'ils transmettent ce avec quoi est venu le sceau des prophètes عليه الصلاة والسلام, car cela fait partie des plus grandes choses confiées en dépôt. Hein? Et le fait de le cacher et de le négliger, d'être paresseux dans sa transmission, fait partie des plus grandes trahisons. La traduction du sens de la parole d'Allah dans Sourate Al-Anfal, verset 27, dit « Oh, vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. » D'accord? Donc c'est verset 27 pour ceux qui veulent revenir, sourate Al-Anfal. Deuxième des caractéristiques, parmi les caractéristiques des hypocrites, الثانيه الكذب في الحديث فانه اساس النفاق وهو من اقبح الاخلاق فان الامم كلها تحترم الصدق وتمقت الكذب وتحتقر صاحبه فاحرص ان تكون مع الصادقين في اقوالهم وافعالهم وابتعد عن الكذب والكذابين فانه من صفات احط البشر وهم المنافقون كما في هذا الحديث وانظر اليهم وقد قامت ديانتهم على الكذب وكيف فضحهم الله وكشف عوراتهم قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون سورة المنافقون verset 1 2 donc le premier verset le second verset de sourate al munafiqun donc qu'est-ce qui est quelle est cette deuxième caractéristique. Quel est donc ce deuxième attribut parmi les attributs des munafiqin? Le mensonge dans la narration. Car c'est la base de l'hypocrisie. Et cela fait partie des pires comportements. Toutes les communautés respectent la véracité. Et exècrent, détestent le mensonge. Et c'est vrai, vous le voyez même, hein, les non-musulmans disent « Ah, oh, c'est un menteur, tu mens. Hein? » Vous voyez que c'est quelque chose qui est même chez, dans toutes les communautés, hein, ou même les communautés qui étaient avant nous, hein, ou que ce soit chez les musulmans et les non-musulmans, vous voyez que c'est quelque chose qui est méprisé, le mensonge. Et que la véracité, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est mise en valeur. D'accord? Et donc, il dénigre le menteur, il déteste le mensonge, il l'exècre, désire ardemment donc être parmi les véridiques dans leurs paroles et leurs actions. Et éloigne-toi du mensonge et des menteurs, car le mensonge fait partie des caractéristiques des pires des gens. Et ce sont les hypocrites comme de ce hadith. Ça nous rappelle quel hadith ça, qu'on avait vu? Hadith? Alaykum bis-sidqi fa inna sidqa ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Hein? Fa la yazalu ar-rajulu yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum salam. Wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. Ça c'est le hadith qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est dans le 15e, 16e, c'est ça, hein? Rapporté par? Non, par quel rapporteur? Sûr? Oui? Ok. C'est vrai que le hadith est dans Bukhari ou Muslim. Dans d'autres également, mais dans le Bukhari ou Muslim. Donc on revient ici à ce que dit Cheikh Rabia. Regarde-les. Ça dit de qui il parle ici? Les hypocrites. Leur religion est basée sur le mensonge. Et comment Allah les a exposés et les a mis au grand jour. La traduction du sens de la parole d'Allah dans Surat Al-Munafiqun, versets 1 et 2, dit « Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. » Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent, hein, le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Troisième des caractéristiques, parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est quoi? C'est خلف الوعود أو نقض العهود والغدر وذلك من أشنع الأخلاق وأرذلها وكفى به شرا أن يكون من عواقبه مرض النفاق. قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما عهدوه ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سورة التوبة verset 77 verset 77. Je répète le verset. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سورة التوبة. الشيخ termine ce point-là en disant فحذر من الانحدار إلى هذا الخلق الحقير وحرص على الوفاء بالوعد واحترام العهد حتى تكون في أولي من أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. سورة الرعد. Donc le troisième, ou plutôt la troisième des caractéristiques parmi les caractéristiques des hypocrites, ne pas respecter la parole donnée, la promesse faite ou violer un pacte, la trahison, l'adr, ce qu'on appelle l'adr. Et cela fait partie des plus horribles et des plus vils des comportements, des comportements les plus bas. Et cela lui suffit en mal que la maladie de l'hypocrisie soit l'une de ses conséquences. La traduction du sens de la parole d'Allah dans Sourate At-Tawbah, verset 77, dit « Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. » Prends donc garde, hein, il s'adresse directement à nous, Shir, de ne pas régresser vers ce genre de comportement abject, vil, et désire ardemment tenir tes promesses, et respecter tes engagements pour que tu fasses partie des gens dotés d'intelligence, ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte. Sourate Ra'd, verset 20. Et vous voyez que Cheikh Rabi, de manière constante dans sa da'a, pour ceux qui le connaissent bien, toujours appelle au sidq, tout le temps sidq, sidq, hein? Car c'est la base, comme il avait dit dans le charh de hadith qu'on avait vu, alaykum comme le sidq, c'est la base de toutes les bonnes choses, tandis que le kadib, c'est la base de toutes les mauvaises choses. Hein? Et comme il avait dit dans le charh, il avait dit que l'hypocrisie des hypocrites n'est basée que sur quoi, hein? Que le mensonge, et le shirk billah n'est qu'un mensonge. Hein? Vous vous souvenez de tout ça, hein? Quatrième des caractéristiques, et la dernière ici, en tout cas pour cette riwaya, et j'ai dit qu'il y a certaines transmissions, chaînes de transmission, où il y a cinq caractéristiques. Donc pour ceux qui veulent avoir plus de détails, qui reviennent aux références qu'on a données, d'accord? Quatrième, c'est quoi? Al-Rabi'ah. Al-Fujuru fil mukhasamati wa adam al-wukufi inda al-haqqi wa huwizrun kabir wa jurmun khatir. يجر إلى مفاسد عظيمة من استباحة الأموال والأعراض وجحد حقوق الآخرين وإلساق التهم الظالمة بهم ومحاربة الدعاة إلى الحق وصد الناس عن الحق والهدى والسلوك بهم في مسالك الغواية والرداء فكم من أموال استبيحت وأعراض انتهكت ودماء أريقت بسبب فجور المنافقين في خصوماتهم وكم من مريد للحق صدوه عن سلوك الصراط المستقيم واتباع الحق القويم ولولا الفجور في الخصومة لرأيت معظم المسلمين ملتزمين منهج الله ملتزمين منهج الله مقتفين سبيل المؤمنين من السلف الصالحين. Donc Cheikh termine en disant quoi? Le quatrième point, c'est quoi? C'est le fujour fil mukhasama. Et on va traduire ça par quoi? Par l'explication directement que nous a donnée dans le vocabulaire du hadith. C'est le fait de dévier, de fuir la vérité lors des querelles, des disputes, de ne pas s'arrêter à la vérité. Adam l'ouqouf inda al-haq. Et c'est un crime dangereux et un grand péché qui amène à d'immenses dégâts comme la spoliation des biens et porte atteinte à l'honneur ou à la réputation. Renier les droits des autres, les accuser de choses fausses injustement, combattre les prêcheurs qui appellent à la vérité, détourner les gens de la vérité et la guidance, et les faire prendre les chemins de l'égarement et de la perte. Combien de biens ont-ils été spoliés? Combien de réputations lésées? Combien de sang a été coulé à cause du fujour des hypocrites dans leurs querelles? Combien de gens qui veulent la vérité ont-ils été empêchés de prendre ce chemin de droiture et de suivre la vérité droite? Et si ce n'était Al-Fujur dans les disputes, tu aurais vu la majorité des musulmans s'attacher à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivre la voie des croyants parmi les plus prédécesseurs. Et avec cela, on a fini quoi? L'explication du 18e hadith, et on rentre directement dans le 19e hadith. Alors qu'est-ce que le 19e hadith? Al-hadith at-tasi'u 'ashar ijtinab al-mubiqat. Hein? S'écarter des péchés capitaux ou des péchés qui amènent à la perdition. C'est comme ça que le Cheikh a traduit le Mubiqat. Ou en tout cas expliqué le Mubiqat. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الحديث التي رابورتي بار كي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. دوك دابخي النغاسيون دي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لاغري كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم دي إيلوانيفو دي سيت بيشي كي أمين على بيرديسيون. السبع الموبقات. Il dit, et quels sont-ils au messager d'Allah ? Il répondit, l'association à Allah, le sihr, la sorcellerie, hein, le fait de tuer une âme qu'Allah a rendue interdite, c'est-à-dire le fait de tuer quelqu'un sans aucun droit, hein, de tuer une âme innocente, manger l'usure, ce qu'on appelle riba, manger l'argent de l'orphelin, mal eliatim, s'enfuir des rangs devant l'ennemi, at-tawalli yawm az-zahf, accuser à tort les croyantes chastes et à l'esprit desquelles ne vient même pas la fornication. Ce qu'on appelle quoi ? Al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Hein ? Les femmes chastes, ghafilat, insouciantes, mu'minat, croyantes. Et on va expliquer ça après, inshallah. Et le hadith est rapporté par le Bukhari dans le Sahih Kitab al-Wasaya ou Kitab al-Hudud, Muslim Kitab al-Iman, Bab Bayan al-Kabair et Abu Daoud dans Sunan Kitab al-Wasaya et An-Nasa'i dans Sunan également, d'accord ? Qui est le rapporteur du hadith ? Eh bien, c'est Abu Huraira. Or, Abu Huraira, on a déjà fait sa biographie quand ? Lors de l'explication du hadith numéro 11, d'accord ? Donc, ceux qui veulent avoir plus de détails sur Abu Huraira, radiallahu anhu arda, ils vont voir quoi ? La biographie d'Abu Huraira dans le 11e hadith, d'accord ? Maintenant, on s'attache à quoi étudier le vocabulaire du hadith, mufradat al-hadith. Rawi al-hadith, le mufradat, al-ijtinabu. L'ijtinabu, qu'est-ce que ça veut dire l'ijtinab ? Huwa l'ibti'ad. D'accord ? L'ijtinab, c'est quoi ? C'est l'éloignement, l'ibti'ad. Al-mubiqat, c'est al-muhlikat. C'est celle qui amène à la perdition, les péchés qui amènent à la perdition. Hein ? On peut dire destructrice aussi, là. Shirk, taqaddama bayanuhu fi sharh al-hadith al-sadis. Le shirk, le cheikh nous a déjà fait la définition, lors de quoi ? De l'explication du sixième hadith. Donc c'est pour ceux qui veulent revenir à la définition qu'ils l'ont déjà oublié, qui reviennent à l'explication du sixième hadith. Al-sihr, azaimu, wa ruqa, wa uqad, yu'athiru fi al-qulub wa al-abdan. Fayamradu, ويقتل. ويفرق مجدغي بلتو فيمرد ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه إذا أراد الله ذلك. Donc c'est quoi ici le sihr? Le cheikh nous explique en disant c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est des incantations, des nœuds et des ensorcellements qui agissent sur les cœurs et les corps, qui rendent malades et tue et divise, sépare l'époux de son épouse. Évidemment, si Allah le veut. Rien n'arrive que si Allah le veut, d'accord ? Des nœuds, comme un nœud. Uqad, quand tu fais un nœud, d'accord ? Souvent, vous voyez le Sahara, hein ? Moi, j'en ai déjà vu. Souvent, le Sahara, ils font des petits nœuds comme ça, d'accord ? De réveiller le. Hein? Riba, ici, la langue arabe va nous aider à comprendre c'est quoi le riba. Riba, fil l'ugha, az-ziyadatu mutlaqa. Yuqalu raba yarbu rabwan, idha zada. Wa fi shar'i. الزيادة على رأس المال من وجه خاص محرم والربا المعروف في الجاهلية أن يقول الدائن لمدينه إذا حل الأجل إما أن تعطي وإما أن تربي أو تربي. C'est quoi? C'est que riba dans la langue arabe, c'est l'augmentation. Et ça nous aide à comprendre le sens dans la législation islamique. C'est quoi dans la religion? Eh bien, c'est l'augmentation du capital d'une manière particulière interdite. L'augmentation, c'est quoi le riba? C'est l'augmentation du capital d'une manière particulière interdite. Et la riba connue à l'époque pré-islamique de la Jahiliya, c'est que le prêteur dise à l'endetté, si la dette arrive à son terme, tu rembourses ou tu rajoutes. D'accord? Al-yatim min al-insan alladhi faqada abahu wa min al-hayawan ma faqada ummahu. D'accord? C'est quoi l'yatim? C'est un point très important ici aussi, la définition de l'orphelin, hein? Et ça, c'est la définition dans la charia, attention, hein, bien connaître. C'est quoi? C'est que l'orphelin, il faudrait vraiment que quelqu'un aille parce que c'est trop loin. Hein? L'orphelin, chez l'homme, c'est quoi? C'est celui qui a perdu son père. Or, chez l'animal, c'est celui qui a perdu sa mère. D'accord? Donc, chez l'être humain, c'est quoi? C'est celui qui a perdu son père. Et chez l'animal, c'est celui qui a perdu sa mère. C'est ça donc al-yatim chez l'être humain, al-yatim chez quoi? Chez l'animal. At-tawalli yawm az-zahfi, c'est quoi? C'est comme le cheikh dit ici, c'est al-firaru wal-harab hal qital al-adou, et c'est s'enfuir devant l'ennemi lors du combat. Et le dernier, ou en tout cas l'avant-dernier, qadful muhsana dans le hadith ici, ramyu al-afifati biz-zina. Le fait d'accuser, évidemment injustement, les femmes chastes de fornication, les accusées de fornication. Cheikh Al-Uthaymeen, je sais qu'il dit que ça, quand il perd son père avant la puberté. C'est ça, moi ce que je me souviens, c'était ça. Mais si on se limite à traduire, on peut toujours revenir à ça, Inch'Allah. En tout cas, Cheikh, ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Il a dit faqada aba. Celui qui perd son père, tu vois. Tandis que chez l'animal, c'est quoi? C'est celui qui perd sa mère. Ouais, dans l'âge. Mais ici, le cheikh ne donne pas. Mais le cheikh Al-Uthaymeen, dans Kutub al-Fiqh, il donne, par exemple, dans Tafsir, tu vois. Quand tu as les Tafsir, par exemple, sur Wala taqrabu mal al-yatimi illa tibila ahsan hatta yablugha ashuddah. Ah ben, c'est quoi hatta yablugha ashuddah? Tu vois, si tu veux regarder là-dedans, tu regardes dans toutes Tafsir surat al-Luqman. Donc al-ghafilat ici c'est quoi? Allati lam takhtar al-fahishatu ala balihinna li taharati qulubihinna fahunna sahiyatun 'an al-munkar. C'est quoi al-ghafilat? Hein? On a dit quoi? Muhsanat c'est quoi? C'est les femmes chastes. Hein? Ghafilat, eh bien c'est celles les insouciantes, celles à l'esprit desquelles la fornication ne vient même pas à l'esprit, car elles ont le cœur pur, elles sont insouciantes par rapport au munkar, ce qui est blâmable, d'accord? C'est-à-dire qu'elles n'y pensent même pas, hein? Elles sont chastes et toi tu les accuses. Donc c'est même pas qu'elles ne le font pas parce qu'elles sont chastes, c'est en plus qu'elles n'y pensent même pas. D'accord? Maintenant le sens général du hadith, al-ma'na al-ijmali l'hadith. Yuhadiru al-rasoulu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ummatahu min al-wuku'i fi al-dhunub al-mubiqa huya al-murdiyatu al-muhlikah. وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في الهلكة أولها وأعظمها شرا وأكبرها خطرا هو الشرك بالله الذي لا يغفر أبدا ولا يقبل معه من الصالحات شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن ذبح أو حلق أو قصر أو نظر أو ركع أو سجد لغير الله أو حلف بمخلوق يعظمه أو سأل حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو دعاه أو ناداه أو استغاث أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وجعل لله ندا. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Dans le sens général du hadith, il commence en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté sur le fait de tomber dans un de ses péchés. Et ce sont ceux qui amènent à la perdition, comme on a dit, qui amènent à la destruction, qui détruisent. Chacun de ces péchés amène celui qui le commet à la perdition. Le premier, évidemment, et le pire et le plus grave, c'est quoi? C'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ne pardonne pas. Et avec lequel il n'accepte aucune bonne action. La traduction approximative du sens du verset 48 de Sourate An-Nisa, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Celui qui immole une bête ou se rase la tête, évidemment ici c'est tout un genre d'adoration, hein, ou tond ses cheveux comme par exemple quand dans l'umra, hein, ou fait un vœu, hein, ce qu'on appelle nadr, ou s'incline, recours, ou se prosterne, sujoud, pour autre qu'Allah, ou jure par une autre créature qu'il sublime, ou yu'azzimuh, ou demande des choses aux morts, comme celui qui demande un enfant, ou il invoque, ou il appelle ou implore son secours, ou demande son aide, dans une chose que seul Allah est capable de faire, eh bien, il a certes associé à Allah. Il lui a donné un semblable. Et le shirk est de deux types. Wa shirku, shirkan, al-khafi wa al-jali. Donc, shirk continue en disant, wa shirku, khafiyun wa jaliyun. Famin al-khafi, an ta'amala riya'an, ou tatruka al-amala li ajli nas. Ça, c'est important. Parce que l'ostentation croit souvent que c'est que faire une action pour les gens. Mais c'est aussi délaisser une action pour les gens. Attention, hein. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen disait toujours, Annie, si tu fais, tu délaisses une action de peur de l'ostentation, c'est ça l'ostentation. D'accord ? Cheikh, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? C'est quoi ? C'est que donc le shirk est de deux types. Il y en a un qui est caché, khafi, il y en a un qui est jali, apparent. Le caché, al-khafi, comme de faire une action par ostentation. Ou que tu délaisses une action pour les gens, les deux, hein. Et l'apparent, eh bien, ce qui arrive auprès des tombes des prophètes et des gens pieux, ce qui est fait auprès de leurs tombes, hein, fait par les ignorants. On va peut-être lire en arabe, d'accord, d'abord pour Al-Jali. Ma yaqaw 'inda qubur al-anbiya' wa as-salihin min jahalati al-muslimin wa ashbah al-jahalah min at-tawaf bil-qubur wa da'wati ashabiha fi al-muhimmat wa ash-shada'id wa al-'uquf 'alayha wa at-tamassuk biha li talab al-barakat. C'est quoi? C'est ce que font les ignorants, ou bien ceux qui ressemblent aux ignorants. C'est quoi qu'ils font auprès des tombes, des prophètes, ou bien des gens pieux, ou de ceux qui croient pieux en tout cas? C'est quoi? C'est qu'ils tournent autour des tombes, ce qu'on appelle la circumambulation autour des tombes, l'ukouf, hein? C'est quoi? Et invoquent les morts dans les moments difficiles, et se retirent auprès des tombes, et s'y attache pour chercher la bénédiction. Deuxième parmi les péchés, c'était quoi qu'on avait dit? C'était al-sihr, la sorcellerie, d'accord? Wa fi al-sihri jam'un bayna al-kufri wa al-idrar bin-nas lima yatawahhamu al-'ammah wa al-jahalah min qudrati al-sahir 'ala ma yurid wa istita'atihi an yatasarrafa fi mulki Allah bighayri idhnihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi-idhnillah. La sorcellerie, il y a dans la sorcellerie une combinaison, si vous voulez, hein, de deux choses, de la mécréance, d'une part, et de faire mal, du mal aux gens. Hein? Pour ce que les gens de la masse et les ignorants pensent de la capacité du sorcier de faire ce qu'il veut, et sa capacité de se comporter dans la royauté d'Allah sans son autorisation. Or, ils ne sont capables de nuire à personne avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ceci, c'est la traduction approximative de Sourate Al-Baqarah, verset 102. Hein? Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idhnillah. D'accord? Cheikh continue en disant ici, c'est un point assez important ici aussi. Wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala hurmati ta'allum as-sihri wa ta'limihi wa ta'atihi. Wa qalu إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرا وقال مالك وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين تعاطي السحر كفر يوجب القتل. Qu'est-ce que le cheikh dit ici? Les savants sont unanimes sur l'interdiction de l'apprentissage du sihr, d'apprendre le sihr, et de l'enseigner et de le pratiquer. Donc ça, il n'y a pas de quoi de divergence. Les savants sont unanimes là-dessus que c'est haram, c'est interdit. Ils ont dit, les savants, si le sihr contient une parole ou une action qui est de la mécréance, eh bien c'est de la mécréance. D'accord? Malik, l'imam Malik rahimahullah, l'imam Ahmed, et un groupe parmi les compagnons et leurs successeurs, al-Tabi'un, ont dit, pratiquer le sihr est une mécréance qui a pour peine la mort. Évidemment, quand on entend ça, c'est pas à nous de, hein, Hein, comme le Khawarij y font, tu sors ton sabre et tu fais justice toi-même. Hein. Et bien, il y a des shurout, il y a qui sont connus par l'ulama, c'est le hakim qui fait ça, il y a un juge, etc. C'est pas, hein, c'est pas comme pour certains pourraient le croire, d'accord. Évidemment, Cheikh ici, c'est un livre de hadith, c'est des paroles concises, hein, qui sont, c'est un charh concis, résumé. Cheikh ne va pas aller trop dans les détails dans chaque chose, mais évidemment, alhamdulillah, en tant que gens de la sunna, on comprend très bien ce que veut dire le Cheikh ici. Hein. D'autres ont dit quoi ? وَقَالَ آخَرُونَ يُفَسِّقُهُ وَأَنَّهُ يُحَدُّ بِضَرْبِ عُنُقِهِ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ عَنِ الْإِسْلَامِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ إِلَّا إِذَا قَالَ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا السِّحْرِ يَكْفُرُ بِهِ كَمَنْ يَدَّعِي الْقُدْرَةَ عَلَى تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ أَوْ مُضَاهَاةِ خَلْقِهِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ بِسِحْرِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ السَّحَرَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. D'autres ont dit, il devient pervers, fasiq, par la sorcellerie et est tué par jugement, ce qu'on appelle un had. Donc pas riddatan, pas par apostasie. D'accord ? En lui tranchant la tête, et on revient à ce que j'ai dit avant, hein, et on ne le fait pas sortir de l'islam, comme c'est l'école de Shafi'i, que s'il commet ou dit quelque chose lors de cette sorcellerie qui le rend mécréant. D'accord ? Comme celui qui prétend pouvoir changer la création d'Allah, ou imiter sa création. Ou s'il prétend nuire et apporter le bien par sa sorcellerie, comme c'est le cas de tous les sorciers en tout lieu et en tout temps, et de tout temps. Cheikh continue en disant, « وَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْفَارُوقُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضَهُ بِقَتْلِ السَّحَرَةِ وَقَتَلَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَارِيَةً لَهَا سَاحِرَةً وقتل جندب بن عبد الله ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبه بقطع راس الرجل ثم يدعوه فياتيه حيا. Donc le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, a ordonné d'exécuter le sorcier. Et la mère des croyants, qui, Hafsa, رجل عنه وارضها, a tué une de ses servantes qui était sorcière. Et جندب بن عبد الله a tué un sorcier qui s'amusait chez al-Walid ibn Uqbah à couper la tête d'un homme, puis l'appeler et le ramener vivant. Donc il faisait quoi? Il faisait de la sorcellerie pour faire croire qu'il pouvait faire, il pouvait faire mourir et vivre. D'accord? Il s'amusait avec une sorcellerie, hein? Et Jundub ibn Abdillah s'est occupé de lui. Troisième des péchés, c'est quoi? C'était qatlu an-nafsi wa izhaqu ar-ruhi al-bari'a wa iraqatu ad-dima'i at-tahira. Fatilka jarimatun توقع الرعب في نفوس الناس وتزلزل أمنهم وتفتك بالأمة وتقطع روابط الإخاء وتنشر الأحقاد والعدوات بين الناس فما أفظعها من جريمة وأخطرها. وقال الله تعالى في شأنها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Et ça, c'est un point important ici, hein? Espérons que ça va faire un rappel au Khawarij. Hein. Le troisième des péchés, tuer une âme innocente et faire couler du sang pur. Ce crime amène la peur dans les cœurs des gens et porte atteinte à leur sécurité et disperse la communauté et coupe les liens de fraternité et répand les rancœurs et les détestations entre les gens. Quel danger que ce crime, hein? Que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Surat al-Ma'ida, verset 32, et c'est donc la traduction approximative du sens du verset de Surat al-Ma'ida, verset 32, d'accord, hein? Et qu'est-ce qu'on va dire des Khawarij quand vous venez leurs actions et eux croient que ça les rapproche, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de sang a coulé, hein? Combien? Et combien continue encore de couler, hein? Et je vous rappelle l'assassinat d'Othman ibn Affan. Qu'est-ce qu'a fait le Khawarij? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils l'ont assassiné? Hein? Il lui a sauté sur la tête en criant, je n'ai pas vu d'action qui me rapproche plus de l'Jannah que cette action-là. A'udhu billah min ad-dalal. Regardez le façade, l'i'tiqadi, la perfection de l'aqida, quoi l'amène. Quelle compréhension de la religion que celle-là? Tu tues Amir al-Mu'minin, Dhul Nourin, qui était marié à deux des filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième des califes, quatre califes bien guidés. Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda. Non seulement tu fais cette azima là, cette kabira là, et qu'est-ce que tu fais encore après? Tu sautes sur sa tête en étant joyeux. C'est toute l'importance, ikhwa, d'étudier l'aqidah al-mu'taqad al-sunnah. Et d'étudier le mu'taqad de quoi? De l'firaq ad-dallah pour ne pas tomber dedans. Hein? Fabid ad-dihad atabayanu al-ashya'u. C'est en connaissant les contraires quoi, qu'apparaissent les choses. Hein? Et c'est pour ça l'importance des ulama, ils n'arrêtent pas de mettre en garde contre le khawarij, d'étudier leurs croyances, hein, de rapporter leurs erreurs dans la croyance. Pourquoi? Pour éviter ce genre de choses-là. D'accord? Regardez, ça fait partie de sab' al-mubiqat. Eux, ils lèvent quoi? Le drapeau de hein, la ilaha illallah, le drapeau du jihad. Quel jihad? Depuis quand tu es des âmes innocentes, ça fait partie du jihad? Depuis quand? Et je vous recommande de revenir au dars de Hassan Abou Asma, qu'il a fait en traduction d'un excellent livre, en tout cas de l'explication d'un excellent livre. Donc vous avez Cheikh Al-Mahsi Al-Abbad, vous connaissez tous Cheikh Al-Mahsi Al-Abbad, d'accord? C'est un grand savant, un hadith de Médine, qui donne cours à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait un livre, qui est un petit livre, en réaction aux attentats qui sont passés un peu partout dans le monde, et qu'il a appelé « Bi ayyi dinin wa aqlin yakunu at-tafjiru wa at-tadmiru jihadan fi sabilillah afiqu ya shabab afiqu ya shabab ». Le titre est explicite. Avec quelle religion, quelle raison, quel aql? Hein? Yakunu quoi? At-tadmir, la destruction, ou at-tafjir, l'explosion, un combat dans la voie d'Allah. Avec quelle religion, quelle raison? Hein? Réveillez-vous ô jeunesse, réveillez-vous ô la jeunesse. Le titre est explicite, c'est clair, wadih. Qu'est-ce qu'a fait Cheikh qui Cheikh Salih ibn Sa'd al-Suhaymi, que vous connaissez également, qui est un des chouyours de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, qui enseigne encore là aujourd'hui. Et je pense qu'il est retraité de l'université de Médine s'il ne donne pas encore cours là. Hein, d'accord? Cheikh Suhaymi, qui est parmi les chouyours de Médine, eh bien, il a pris le livre de Cheikh Al-Mahsi Al-Abbad et l'a expliqué en plusieurs cours. D'accord? Et qu'est-ce qu'a fait notre frère Hassan Abou Asma, jazallahu khair al-jaza, wa hafidahullah? Il a pris ces cassettes-là, il a fait ce qu'on appelle tafrir, hein, l'explication du livre, et il a traduit complètement. Il a expliqué, et il a bien, masha'Allah, montré les déviances des khawarij, et l'égarement et le danger de ces gens-là et de leur croyances. D'accord? Donc, c'est pas le sujet aujourd'hui. Pourquoi je renvoie des références comme ça pour ceux qui veulent avoir plus de détails? Et c'est très important de diffuser ce genre de cassettes-là. Très, très important. D'accord? Si les ulama, ils ont pris le temps de faire une cassette comme ça, hein, ou de faire des livres comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un danger. Hein, et on connaît tous l'actualité, hein, et on connaît le danger de ces gens-là, et il ne faut pas arrêter de mettre en garde sur ces gens-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, déjà mettait en garde sur eux. Quand vous ouvrez Sahih al-Bukhari, vous ne trouvez pas des hadiths sur le khawarij. Hein? Quand vous lisez le livre de Sunan, vous ne trouvez pas des hadiths sur le khawarij. Pourquoi, à votre avis? Allah mustaan, Allah azza wa jalla nous protège de leur mal. On est arrivé à quoi? Quatrième parmi les péchés capitaux, les sept péchés. Aklu riba. Huwa istighlalu l'istighlalu afwan. Istighlalu l'insaniyati. Wa imtisasun li juhudiha. Wa aklun li amwaliha bil batili. Duna an yabdul al murabun ayya juhdin fi tilka al amwal mustabaha. وفي التعامل بالربا محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو من موجبات النار وكيف لا يكون كذلك والمرابون أشد الناس قسوة وأبعد الناس عن الرحمة بالبشر حيث ينتهزون فرصة إعصار المعسرين وشدة فقرهم وحاجاتهم إلى المال فيعطي المئة بمئة وعشرة مثلا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يقوم يقوم عفوا المدين بأداء دينه ربما زاد في الربا وضاعفه عليه أضعافا فيلحق بالناس وباقتصادهم من الأضرار والدمار ما لا يعلمه إلا الله يحيق بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لعائن الله وغضبه أعاذنا الله من ذلك. Quatrième point, c'est quoi ce que ça s'appelle manger الربا? Et on a défini c'était quoi الربا. Si quelqu'un sait me définir le riba, c'est quoi? Il va dire quoi? C'est toute augmentation du capital d'une manière particulière et interdite, illégale, je peux dire illégale, parce que c'est par rapport à la législation islamique, d'accord ? C'est quoi ? C'est riba, manger riba. Et c'est tirer profit des humains et de leurs efforts et spolier leurs biens sans, sans que ceux qui commettent l'usure, ceux qui font riba, hein, qui donnent, en tout cas, qui font l'usure, ce qu'on appelle l'usurier, ne fassent le moindre effort. Il y a dans le fait de s'adonner à cette riba, le fait de combattre Allah et à son messager dans ce bas monde. Et ceci fait partie des choses qui amènent à l'enfer. Comment pourrait-il en être autrement alors que les usuriers sont parmi les plus durs des gens et ceux qui ont le moins de miséricorde, rahma, pour les gens ? Car ils saisissent l'opportunité de la difficulté des gens, hein, qui sont en besoin, et leur grande pauvreté, et leur état de besoin d'argent, pour lui donner 100 contre 110, à terme. Et si le terme arrive, et que l'endetté ne s'acquitte pas de sa dette, il rajoute à sa dette et la multiplie. Wal'iyadhu billah. À cause de cela, les gens et leurs économies sont détruites, mises à mal, à un point que seul Allah connaît. Par cela, l'usurier et celui qui mange l'usure et l'écrit ou celui qui est, le moukil, le moukil, celui qui est par procuration, hein, eh bien, ils ont le droit de quoi d'avoir les malédictions d'Allah et sa colère, qu'Allah nous en préserve. Le riba, ce n'est pas du jeu. Hein. Regardez rien que ce mot-là, ça nous suffit. Muharabatullahi wa rasuli. C'est comme si tu combattais quoi ? Allah et son prophète. Ça suffit pour t'en écarter. Cinquième, ou khamis ul mubiqat, aklu mal il yatim. Famin haqq il yatama, ala nasi, an yakfuluhum, ou yakoumou, akum salam, ou yakoumou bitarbiyatihim, ou l'inayati bishanihim, ou yanmou amwalahum, ou yusaïdouhum, hatta yablugu ashuddahum, ou yudriku rushdahum. Ou qad zajara Allahu fi muhkam kitabi, ala akli mal il yatim, ou tawa'ad ala dhalika ashadda anwa il wa'id. فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سورة النساء وزجر عن قربانه إلا بالتي أحسن ومن التي هي أحسن فعل الأصلح له وتنمية ماله بالبيع والشراء وتصرف بما يعود عليهم بالربح والنماء المباح fait partie des droits des orphelins sur les gens qu'ils prennent. Donc on a dit manger l'argent des orphelins, la cinquième. Fait partie des droits des orphelins sur les gens qu'ils prennent les prennent en charge. Regardez le rahma, notre religion. Regardez le rahma, la perfection de notre religion. C'est quoi ? C'est que tu prennes en charge l'orphelin et que tu les éduques et que tu t'occupes de leurs affaires et que tu fasses croître leurs biens. Et les non pas manger leurs biens. Et les aider jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de raison. Allah a mis en garde dans son noble livre contre le fait de manger l'argent de l'orphelin et a menacé cela d'un châtiment parmi les pires. Ceux qui disposent, mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Sourate An-Nisa, verset 10, donc la traduction du sens de la parole d'Allah. Et Allah a mis en garde de s'en approcher, sauf de la meilleure des manières. Et je t'ai rapporté le verset de Sourate Luqman. C'est dans Surat Luqman que je t'avais dit, c'est ça hein? Le verset que j'ai cité tout à l'heure. Attends, c'est dans quel verset c'est quel verset que j'ai rapporté là ? Non, c'est dans le Muharramat al-Ashr, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Voilà, après il dit Rabb al-'alamin ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ابخي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط نعم داكو اي الله امي ان garde donc on a dit de s'en approcher sauf de la meilleure des manières hein illa billati ahsan et c'est faire le mieux pour eux et faire développer et croître leurs biens en vendant et en achetant et en se comportant de manière à ce qu'ils en tirent bénéfice, de manière autorisée. Sixième et avant-dernière des mots biqat, c'est quoi ? التولي يوم الزحف والفرار من لقاء العدو فإن ذلك من الجبن وفيه إضعاف لشوكة المسلمين وخذلان لهم وضيع الدين وتمكين الكافرين من دماء المسلمين ونسائهم وأموالهم ولا يجوز لمسلم أن يفر من معركة هو الفائز فيها إما بالفتح والنصر والغنيمة وإما بالشهادة في سبيل الله. Qu'est-ce que le cheikh ici rapporte comme sixième quoi? Moubiqa. C'est fuir du combat devant l'ennemi. Et cela fait partie de la couardise, hein ? Le contraire du quoi ? Du courage. Et cela diminue la force des musulmans et c'est une tromperie, une trahison envers eux et une perte de la religion. Et cela pour conséquence de faciliter aux mécréants le sang des musulmans et leurs familles, leurs biens. Hein ? Il est interdit aux musulmans de fuir car il est toujours gagnant, soit par la victoire et le butin, soit par le martyr dans la voie d'Allah. Et je termine par le septième, incha'Allah ta'ala. والسابعة الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ورميهن بالزنا ونسبتهن إلى الفواحش إنها لجريمة عظيمة أن تعمد إلى امرأة كريمة متمتعة بالحصانة والعفة بعيدة عن الريبة ولا تخطر بقلبها الفاحشة فتقذفها بالزنا وترميها بالفاحشة إن من يفعل ذلك يجب أن يأتي بأربعة شهداء وإلا فهو عند الله من الكذابين الفاسقين ولا تقبل له شهادة أبدا ويجب أن يقام عليه الحد 80 جلدة هذا جزاؤه في الدنيا وجزاؤه في الآخرة ما رتبه الله على هذا الإفك ما رتبه الله على هذا الإفك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سورة النور. Donc qu'est-ce que le cheikh nous dit ici? Accuser les croyantes chastes, insouciantes de fornication. C'est un grand crime que d'accuser de fornication une femme noble, chaste, loin du doute à l'esprit de laquelle ne vient même pas la fornication. Donc non seulement elle ne le fait pas, hein, mais quoi, elle est insouciante. Elle pense même pas à quoi ? À cela. Et toi, tu viens, tu l'accuses, subhanallah. Hein ? Celui qui commet ce crime doit fournir 4 témoins. Sinon, il fait partie des menteurs pervers et on n'accepte plus de le témoignage, et ce, à jamais. Il est obligatoire d'appliquer la sentence qui lui incombe de 80 coups de fouet. Et on revient au tafsir qu'on a dit tout à l'heure, c'est qui applique cette sentence-là ? C'est le hakim, il y a des juges en islam, etc. C'est pas toi, tu viens, tu commences à faire le fawda, d'accord ? Hein? Et sa récompense dans l'au-delà est ce qu'Allah a prévu pour cette fausse accusation. Et c'est la traduction approximative de Surat Nour, verset 23-24. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses chastes, entre parenthèses, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront quoi ? Un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc Surat An-Nur, verset 23-24. Et on termine toujours comme il fait Cheikh Rabi à son habitude par une nasiha, conseil. Fajtanib ayyuha al-muslimu hadhihi al-mubiqat wa la tudannis nafsaka bi shay'in minha fatujib laha maqta Allah wa ghadabah ila janibi maqti an-nas wa sakhatihim 'alayka wa ihtiqarihim lak. واعلم أن الكبائر كثيرة فهي كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه ورجل عنهما إلى 70 أقرب وقد ألفت فيها كتب مثل الكبائر للذهبي وهو مطبوع ومثل كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي فاعرف الكبائر ثم اجتنبها يغفر الله لك الصغائر واللمم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سورة النساء. Donc quoi ? Qu'est-ce que la nasiha du cheikh ici ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Ô musulman, tiens-toi à l'écart de ces péchés qui mènent à la perdition et ne te souille pas avec l'un de ces péchés. Tu encoureras sinon la colère d'Allah. et les gens te détesteront et te dénigreront. Sache que les grands péchés sont nombreux, comme Ibn Abbas, parce que son père est un sahabi également, qu'Allah les agrée tous deux. Les grands péchés sont plus proches du nombre de 70, 70. Des ouvrages ont été écrits sur le sujet, comme, hein, pour ceux qui veulent plus de références, Al-Kaba'ir d'Al-Dhahabi, qui est très connu, hein, qui a été publié, et aussi Al-Zawajir an-Iqtiraf al-Kaba'ir de Ibn Hajar al-Haytami, qui n'est pas Ibn Hajar al-Asqalani, qui est sahab Fath al-Bari. Hein. Connais les grands péchés. Écarte-toi-en. Allah te pardonnera tes petits péchés. Traduction approximative de verset de Sourate Nisa, verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Sourate Nisa, verset 31. Et en guise de synthèse, comme Cheikh Rabia fait toujours à son habitude, c'est quoi ? Fawa'id al-hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Les bénéfices, les bienfaits tirés du hadith. Il y en a son nombre de trois. Al-oula, ra'fatu al-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, wa rahmatuhu bi ummatihi haythu yadulluhum ala khayri ma ya'lamuhu lahum, wa yuhadhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum. La miséricorde du messager d'Allah et sa compassion envers sa communauté, car il leur apprend, il leur indique le meilleur de ce qu'il connaît pour eux, et les met en garde contre le pire de ce qu'il connaît pour eux. La miséricorde du messager d'Allah et sa compassion envers sa communauté, car il leur indique le meilleur de ce qu'il connaît pour eux et les met en garde contre le pire de ce qu'il connaît pour eux. Deuxième point. Wujub ijtinab hadhihi al-mubiqat allati haddhara minha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. واجتناب غيرها من الكبائر التي دل عليها الكتاب والسنة. L'obligation de s'écarter de ses péchés. Pourquoi le prophète nous le rapporte ici? Pour s'en écarter, les connaître, s'en écarter, comme on a dit. Hein? De ces péchés capitaux contre lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde. Et de s'éloigner des autres grands péchés qui ont été indiqués dans le Coran et la Sunna. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre ces péchés-là, ce n'est pas pour se limiter à ceux-là. Hein? Il a cité cela, mais il y en a d'autres. Donc tout ce qui était indiqué comme grand péché dans le Coran et la Sunna, c'est évidemment les ulama qui font ce travail-là pour nous, d'accord ? C'est pour ça que le Cheikh a donné quoi ? Des références, pour les connaître. Et donc pour s'en éloigner et mettre en garde aussi. D'accord ? Donc se mettre en garde contre ces sept péchés-là et tous les autres qui ont été indiqués dans le Coran et la Sunna authentique. Ça va ? Et troisième et dernier, on va terminer là-dessus, Inch'Allah. Al-fa'idatu thalitha, a'adhamu hadil kabair, al-shirku billah, fa'innahu dhanbu. Et donc, troisième et dernier des bienfaits tirés de ce hadith, le pire de ces péchés, c'est quoi ? Associer Allah. Pourquoi ? Qui sait me dire comment est-ce qu'on a tiré ? Parce que Cheikh Rabia a écrit ce livre, pourquoi ? Pour les éduquer à tirer des fawa'id, ce qu'on appelle stidbat, l'ahkam et la nusus shar'iyya. Qui sait me dire pourquoi c'est le pire ? C'est le premier qui a été cité. Le pire de ces péchés, et c'est quoi ? C'est associer Allah, car c'est le péché qui n'est pas pardonné. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم donc la semaine prochaine inshallah logiquement inshallah ta'ala on devrait finir le livre parce qu'on fait le 20e et 21e hadith inshallah et pour l'heure du cours on se tient au courant parce qu'il se peut qu'on le fasse plus tôt si c'est possible en fonction des disponibilités de la mosquée ou plus tard. Mais plus tard, ça va être difficile. D'accord ? À mon avis, plutôt genre, peut-être après le dhuhr ou quelque chose comme ça.